veux bien écrire des bons romans où tout ce qu'on tripe devient possible, où les enfants deviennent jamais grands, où la bêtise est corrigible. J'aime pas les arbres pour le papier, c'est plus pour le vent dans les branches. Mes histoires, j'aime mieux les chanter avec ma voix, pas avec mes hanches. Je fuis les producteurs à cigares qui cherchent à vendre juste de la fumée. Je veux pas de vendeur de raconteur qui t'aime pourvu que tu sois aimé. J'ai pas besoin qu'on me dise quoi dire, ni qu'on m'explique ce qu'il faudrait faire. Je me laisse couler dans mes délires, j'écris vraiment pas juste pour plaire. J'aimerais pas chanter dans une cage avec des ailes ankylosées, ça sortirait comme des cris de rage. J'ai trop besoin de ma liberté. Je veux raconter ce qui nous arrive, un haut-parleur au fond de mon cœur, les satori, les petites dérives. Je me prends pour un commentateur. Je voudrais pouvoir parler d'amour sans qu'on me prenne pour un vieux curé. Dans nos vies sans sortie de secours, c'est pas encore taxable de rêver. Je laissais passer de la lumière entre les branches du quotidien. Chanter comme un petit moineau fier de pouvoir inventer son chemin. Inventer son chemin.